Darkness! Darkness! Darkness! Darkness! Darkness! J'ai plus rien à perdre. Je voulais une vierge, mais y'a beaucoup plus de boules de pute et profite de brouteuse de verge. Je suis aussi romantique que les frères Jourdain. Enterre ces trois couilles de féministes. Fais pas la bandeuse ou fous le camp. Sous-estime pas le sultan. Je suis petit avec la tête d'un enfant et pourtant j'ai la tour aussi large que le corps de nos orang-outans. J'oublierai jamais cette époque où ces bêtes cuves et les fiertés. Adossé avec ma main que ma bite flirtait. Grâce à jusqu'à nulle part en sûreté. Traîne pas dans les parages où je te flingue. J'ai enlevé le crâne sûreté. Y'a trop de sac à sperme, pas assez de pureté. J'ai plus de cœur à donner pour ces petites putes. Mon seul liquide serait de la purée. Faisais la prétentieuse en boîte, maintenant tu lèches mon ongle écarté. J'ai déjà cassé la vaisselle si j'ai ton nom marqué sur mon carnet. Supplie-moi d'épargner ou tu te feras humilier. Le Père Noël descend avec des spermatozoïdes par milliers. Ouais, je suis niqué du citron à jeun 100 litres, on vient lécher le piton. On m'appelle le marteau niqueur, le marteau pilon. De martel, tu vas pomper jusqu'à piquant. Trop de chaînes qui sont des capotes usagées qui se font user le pignon. Très tôt, j'ai rêvé d'avoir une princesse à la Cendrillon. Très tard, j'ai compris que ces fourbeuses étaient des vierges depuis l'embryon. Pas de viol, si t'aimes te faire baiser à plusieurs. Sache que tu trouveras plus de bouquets de fleurs, même dans la main des dépuceurs. Je serai macho et fier de l'être. Que toutes ces pétasses aillent tous se faire mettre. Y'a plus de détresse pour les elles te jettent. Plus de sexe, aujourd'hui l'amour se résume à du sperme sur les jets. Je serai macho et fier de l'être. Que toutes ces pétasses aillent tous se faire mettre. Y'a plus de détresse pour les elles te jettent. Plus de sexe, aujourd'hui l'amour se résume à du sperme sur les jets. Ce soir t'es de sortie, t'as sorti le maquillage, les lunettes. Après le dernier cul sec, tu finis en buvette. Le cul en l'air, la gueule dans la cuvette. Dans ton duplex, t'es du rec, c'est plus net. Quel mec a pu te la mettre. Ton mari a droit qu'à un baiser. Quand ton amant t'a trop baissé, tu rentres chez toi, t'as la chatte séchée. Tu fais la belle, tu fais la fière, tu te la pètes, la mise. Tout ce que j'ai pour toi, c'est une sucette à la Nice. Stop tes caprices, manipulatrices au cœur de pierre. Elles savent comment s'y prendre, elles sont soumises et tendres. Pour tout te prendre, par le bout te pendre. T'arracher le cœur et le peu d'amour qu'on peut répandre. Pour toi, un homme, c'est pas un homme, mais un code. Ton corps, tes formes, une marchandise sur YouPorn. Si t'es bonne à mort, on te baisse hardcore. Si t'es pourri, tu suces et on te jette dehors. C'est le prix à payer quand on est une putain de traînée. J'en ai connu des putes qui m'ont faussement aimé. J'en ai levé des jupes, même quand ça saignait. Mi pute, mi soumise, afin de mieux régner. Stop tes veines, si t'es vierge, goûte ma verge. T'es pas la scène, ni touche, avale mon pain de bouche. T'es plein de bouche pour faire croire t'es saine. Mais ton cul, c'est un réservoir à sperme. Je resterai macho et fier de l'être. Que toutes ces pétasses aillent tous se faire mettre. Y'a plus de détresse pour les elles te jettent. Plus de sexe, aujourd'hui l'amour se résume à du sperme sur les jets. Je resterai macho et fier de l'être. Que toutes ces pétasses aillent tous se faire mettre. Y'a plus de détresse pour les elles te jettent. Plus de sexe, aujourd'hui l'amour se résume à du sperme sur les jets. Je resterai macho et fier de l'être. Que toutes ces pétasses aillent tous se faire mettre. Y'a plus de détresse pour les elles te jettent. Plus de sexe, aujourd'hui l'amour se résume à du sperme sur les jets. Je resterai macho et fier de l'être. Que toutes ces pétasses aillent tous se faire mettre. Y'a plus de détresse pour les elles te jettent. Plus de sexe, aujourd'hui l'amour se résume à du sperme sur les jets.